Exercice 5, page 124. Yaourt. Yoga. Pierre. Ciel. Ouvrier. Oublier. Crier. Plier. Voyelle. Filleul. Volaille. Loyer. Grillage. Feuillage. Jaillir. Joyeux.